J'avais les yeux très très collés ce matin. J'arrivais pas à me lever. J'avais pourtant dormi comme un gros lapin. Et les lapins, ça dort plus qu'on ne sait. J'ai enfilé mon caleçon bleu, Pierre Cardin. Et je suis sorti pour me doucher. L'eau était froide et ça, c'était le destin. Tous les matins, je prie, mais rien n'y fait. Et pourquoi Dieu, il l'entend pas? J'y demande des trucs comme ça. Et pourquoi Dieu, il m'écoute pas? Il demande poliment, je crois. Un gamin qui pleure tout seul dans un coin. Y'a du sang partout coagulé. Le monde est mort ici, y'a vraiment plus rien. Et cet enfant qui pleure, il est blessé. Il a beau hurler fort et taper du poing, y'a plus personne qui puisse l'aider. Il n'a plus qu'un espoir, c'est de joindre les mains. S'adresser au Tout-Puissant, prier. Et pourquoi Dieu, il l'entend pas? Tous les gamins qui meurent ou qui ont froid. Pourquoi Dieu, il l'écoute pas? Il a que ça à faire, je crois. Mort de froid ce matin dans un tas de cartons sans duvet. Pas de papier sur lui, pas d'argent, plus rien. Et y'a personne autour qui le connaît. On lit sur son visage un air calme et serein, comme s'il s'était soudain libéré de tout le poids du monde qu'il a fait de ses mains. Et la connerie des hommes qu'il a voulu créer. Et pourquoi Dieu s'en va déjà sans réparer tous nos dégâts? Et pourquoi Dieu s'en va comme ça? Peut-être que lui-même n'y croit pas. Pourquoi Dieu s'en va comme ça?